Oh, la belle Monique dort tranquillement sans se méfier. Cette couverture empêche de la voir. Hey Nicky Larson, t'es un gars bizarre à courir après les filles comme ça. Hey, au coup de massue, tu y avais cru. Tous les veaux chauvants, tu cours après les méchants pour les exterminer. Nicky, Nicky Larson, ne crains personne. City, City Hunter, ne crains personne. C'est bon, c'est bon. Hey Nicky Larson, ton plus gros rival, c'est Mammouth le géant vert. Oh, oh, oh, oh. Il est un peu timide, mais quand y'a du grabuge, il peut tailler tout le monde en bûche. Nicky, Nicky Larson, ne crains personne. City, City Hunter, ne crains personne. C'est bon, c'est bon. Mammouth, Mammouth, viens avec nous. Alors si c'est Mammouth, alors avec Mammouth, c'est Mammouth. Oh, c'est Nicky Larson. Oh, pardon, pardon, je savais pas que c'était vous, sinon jamais on aurait osé vous attaquer. Pardon, pardon, pardon. Larson, tu vis avec celle qui était la sœur de ton meilleur pote. C'est l'associé du fameux Nicky Larson. Et à chaque fois que tu dragues une nana, elle t'envoie un coup de marteau dans la tronche. Nicky, Nicky Larson, ne crains personne. City, City Hunter, ne crains personne. Aidez-nous à sauver l'environnement, allez-y, n'hésitez pas à donner, allez-y. Non, c'est les bons.